Adieu pays de milieu de nuit. Adieu nos rêves d'enfance. Tous nos héros ont mis aujourd'hui au rencard leur innocence. Cendrillon conseillé par tapis en échange d'un vieux fromage refile à ses amis les souris. Ces 39 heures de ménage, on ne peut plus se fier aux histoires des aînés, aux bandes dessinées, à ces contes de fées. Merlin l'enchanteur dit à Clinton d'un coup, de baguette magique je peux faire d'un joueur taxophone le sauveur de l'Amérique. Blanche-Neige a ouvert une maison close pour princesse sans galant. L'unique au monde où Dena propose de siffler en copulant. On ne peut plus se fier aux histoires des aînés, aux bandes dessinées, à ces contes de fées. Poupée, double Stallone, vieux Briscard, Rambo, 15 le marin. Il traque les beaux people qui s'égarent hors de l'océan Indien. Prince charmant, tu es de ma race, lui confie au lion l'église. Laisse dormir les belles et embrasse une carrière dans le showbiz. On ne peut plus se fier aux histoires des années, aux bandes dessinées, à ce qu'on peut faire. Tintin lui-même hier, sans remords pour se tirer en vacances. D'aller jusqu'à rendre le camp du bois mille ou à la science. Pour finir incroyable, mais vrai, King Kong se taperait Tarzan, tandis que le capitaine vivait en crochet de Peter Pan. On ne peut plus se fier aux histoires des ennemis, aux bandes dessinées, à ces contes de fées.